Lettre 16e, baptême de l'équipage, passage de la ligne. Je crois que si l'on recherche la cause de toutes les cérémonies gays et burlesques établies depuis le commencement de la civilisation en Europe, on la trouverait dans la crainte ou la religion. C'est la religion qui a donné naissance chez nous à la fête la plus tumultueuse qui occupe les inconstants parisiens. Tout le monde connaît l'histoire des religieuses de Longchamp, le motif qui attirait les curieux. Et nous voyons aujourd'hui ce qui a résulté de cet empressement qu'on aurait pu, dès le principe, attribuer à une cause sainte. Les navigateurs qui, les premiers, ont franchi cette ligne imaginaire qu'on appelle l'équateur, effrayés de la distance qui les séparait de leur patrie et des périls auxquels leur audace les exposait, cherchèrent, par des vœux et des prières, à se rendre le ciel favorable. Ils consacrèrent, dans la relation de leur voyage, quelques lignes au récit de leurs craintes et des consolations qu'ils avaient trouvées. Ceux qui marchèrent sur leurs traces les imitèrent en tout et principalement à l'instant du danger. Mais toutes les promesses faites au moment du péril sont peu certaines. Toutes les sages résolutions disparaissent avec la frayeur qui les a fait naître. Aussi, dès que la marine, par de nouvelles découvertes, et les voyageurs, par une audace non moins étonnante, eurent diminué les craintes en aplanissant les difficultés, les vœux devinrent moins ardents, les prières moins fréquentes. Petit à petit, on s'accoutuma aux traverses, on les surmonta plus facilement et avec plus de courage. Dès qu'on osa les supposer moindres, on osa les supposer presque nuls. Mille exemples d'une heureuse audace augmentèrent la confiance. De là, l'oubli des premières institutions. De là, des railleries sur les craintes imaginaires des premiers navigateurs. Le jour qui devait leur faire franchir l'équateur était attendu avec impatience. Plus les dangers avaient été grossis, moins ils paraissaient à redouter. C'était ce jour surtout qu'on réservait aux plaisanteries, à l'oubli des fatigues. Et comme tous les usages où préside la folie ont plus de durée que ceux consacrés par le bon sens et la raison, il en est résulté que ceux-ci ont cédé la place aux premiers et subsisteront sans doute aussi longtemps qu'il y aura des navigateurs. L'importance attachée à notre expédition ne nous a pas affranchis de la règle. Je vais te donner une idée de la fête qui a marqué ce jour sur notre bord. Dès la veille, les mouvements des matelots, empressés à étudier leur rôle, nous présagèrent de la gaieté. Le ciel le plus pur semblait leur promettre une journée riante. Nous nous félicitions doublement, et de faire diversion à nos ennuis, et de ne pas rendre nuls les efforts de l'équipage. Les costumes sont prêts. La folie agite ses grelots du haut des unes. Et chaque acteur lui répond par un sourire ou une caresse. Qu'il faut peu de choses pour épanouir le cœur du malheureux. Le soir, au moment de notre dessert, des coups redoublés de fouet nous annoncent le commencement de la cérémonie. Nous nous levons avec empressement et montons sur le pont. Une voix redoutable, grossie encore par un énorme porte-voix, appelle le chef de l'expédition. L'officier de quart le fait prévenir. Et M. Fraissinet, connaissant déjà les usages, annonce, d'un ton humble et soumis, qu'il est prêt à recevoir l'envoyé de Sa Majesté la ligne. De nouveaux coups de fouet annoncent l'arrivée du courrier, qui remet au capitaine une lettre, modèle d'éloquence, dont le secrétaire de Sa Majesté m'avait déjà donné connaissance. Moins indiscret que lui, je ne te la communique pas. Il y a toujours du danger à violer le secret des cours. M. Fraissinet lit la lettre, donne quelques louanges sincères à l'auteur et demande à l'envoyé d'où il vient. « De Toulon, » répond celui-ci avec précipitation, et rougissant de sa méprise, il ajoute « De fort loin et la chaleur est extrême. »« Ah, je vous entends, une carafe d'eau au courrier. » « Bien des remerciements. Si j'accepte quelque chose, ce n'est que de ce qui saoule. » Après une légère libation, que les autres acteurs lui envièrent pourtant, il reprit gaiement le chemin de la cour aérienne, apportant à son maître la réponse du capitaine. Une pluie abondante, échappée des seaux qui étaient dans les unes, punirent les matelots du pont de leur curiosité. Il en réserva pour nous un déluge de grêle, figuré par du blé de Turquie, dont on nous inonda. Nos poulets et nos canards, condamnés ce jour-là à l'admiration, furent les seuls êtres du bord qui eurent à se plaindre de la fête. Mais le beau jour est arrivé. Dès le grand matin, les trompettes rouillées sont polies et effrayent de leur son éclatant les habitants de la mer. Les fouets agités sifflent, les marteaux frappent l'enclume à coups pressés et achèvent la couronne du roi et les fers de ses ennemis. La peau de deux moutons écorchée la veille sert à vêtir le souverain. Son épouse, le plus laid matelot de l'équipage, cache ses appas sous des jupes fabriquées à l'aide de 5 ou 6 mouchoirs de diverses couleurs. Deux melons inégaux que convoitent les yeux amoureux de l'époux monarque embellissent sa poitrine velue et ridée. Le chapeau à cornes de notre indulgent aumônier coiffe le chef du notaire, car je ne sais pourquoi il y a des notaires partout. Deux ânes portent le roi. Leur rôle a été vivement disputé, et on ne l'a obtenu qu'après avoir donné des preuves de capacité. Lucifer, avec son bec fourchu, ses ongles crochus, enchaînés et fustigés avec une badine de 3 pieds de long et de 2 pouces de diamètre, tente de s'échapper. Mais retenu par l'eau dont l'inonde le prêtre, choisi parmi les moins sobres des matelots, il ronge ses fers et épouvante de ses rugissements la fille du monarque qui se jette sur le sein de sa mère et le mord avec voracité. 8 soldats armés ferment le cortège. « Vous avez donc foi, disions-nous au bonhomme Fouque, roi de la ligne, que nous voyons grelotter ?»« Non, mes enfants, nous répondait-il, car j'étouffe dans ma fourrure, mais l'usage veut que je tremble. » Sa fille, sa femme, Lucifer même, grelottaient, et nous rions entre nous de leur costume grotesque et de cet usage plus grotesque encore. Cependant, les places sont occupées. Le notaire ouvre la liste fatale où sont inscrits les noms des profanes qui n'ont pas encore passé la ligne. Une énorme baille de combat, à moitié remplie d'eau, à laquelle est adaptée une bascule où doit s'asseoir le patient, nous présageait déjà que les ablutions seraient fréquentes et sérieuses. Le roi de la ligne invite vainement au silence. Un coup de sifflet du maître l'obtient. Le nom de M. Fraissinet est proclamé. On lui demande si son bâtiment a déjà eu l'honneur de passer la ligne. Sur sa réponse négative, 4 soldats s'acheminent vers la poulaine et frappent à grands coups de hache le mât auprès duquel elle est placée. Quelques pièces d'or, échappées des mains du capitaine, apaisent la colère du monarque et arrêtent les coups des soldats. Ce diable de métal opère partout des prodiges. L'état-major vient après, et chacun, en répondant au prêtre, doit jurer de ne jamais faire la cour à la femme d'un marin. Faire la cour ne sont pas précisément les mots de l'ordonnance, mais je substitue cette périphrase aux termes plus épineux dont se servent les prêtres matelots pour dire à peu près la même chose. L'un de nous, en plaisantant, s'est fait répéter le serment exigé, sans le vouloir prononcer, comme s'il craignait de l'enfreindre. « Vous ne risquez rien, » lui dit tout bas l'indulgent aumônier. « J'aurai toujours. Depuis longtemps, les serments sont de mode. Vous savez ce qu'en Bologne. Et dans l'occasion, je vous promets une absolution totale. J'aurai d'ailleurs pour mes voisins, » ajouta-t-il plus bas. « Quant à moi, je veux rester garçon. » La décence, car il en faut même dans les choses les moins sérieuses, la décence ne permettait pas qu'un seul d'entre nous reçût l'abusion totale. Peut-être que notre générosité modéra les tentations qu'on avait de rire à nos dépens. Quoi qu'il en soit, on se réserva pour les matelots qui, assis sur l'énorme bail, y étaient plongés un instant après et ne s'en tiraient qu'avec des efforts inouïs et les contorsions les plus grotesques. Mais un incident inattendu arrête la cérémonie et excite des murmures. On se regarde, on s'interroge, et l'on apprend avec étonnement qu'un profane, fier de l'état qu'il exerce à bord, refuse de se soumettre aux règles usitées, et qu'un long fer à la main, il se dispose à repousser les efforts de tous les diables coalisés et de leurs 1000 fourches. On se presse, on accourt, et dans la batterie, nos yeux surpris contemplent un héros. Tel autrefois on vit le grand Ajax, la javeline en avant, arrêter les efforts d'Hector et des Troyens victorieux. Son pied gauche est posé sur une caronade qui sert de rempart au héros cuisinier. Le bonnet blanc de l'ordre couvre sa tête enluminée et défend son front hérissé des plumes de ses innocentes victimes. Un tablier de couleur équivoque se relève avec grâce sur son épaule et drape à la grecque le guerrier poursuivi. Sa bouche est cadencée à la Minerve et annonce l'indignation. Dans ses yeux règne la soif des combats. Il tient en main une broche aiguë et rougie, où est encore empalé un étique dindon, qui, la tête vers les ennemis de son bourreau, semble leur dire de se défier du traître et de craindre un sort pareil au sien. En vain, les tuyaux des pompes dirigés sur l'indiscipliné cuisinier l'inondent d'une eau amère qui se joint aux sauces qu'il avait préparées sans les rendre plus mauvaises. En vain, les menaces éclatent de toutes parts. Ferme comme un rocher au milieu des flots mutinés, ses yeux n'en dardent pas moins de vives étincelles. Sur les 2 coins baissés de sa bouche, on lit toujours l'indignation qui le maîtrise. « Il me faut des victimes » s'écrie-t-il à la fin d'une voix tonnante. « Et fussiez-vous 20 fois plus nombreux, vous ne viendriez pas à bout de me soumettre aux lois honteuses qu'il vous a plu de créer et dont ma fierté veut m'affranchir. Non, je n'aurais pas salué le chapeau de Gessler ou le cheval de Caligula. Non, je ne serais pas baptisé. De quel droit venez-vous attaquer dans ces foyers un homme dont tous les moments sont consacrés au bonheur des hommes, qui réjouit leur palais, qui brûle toujours pour eux d'un feu, qui semble devoir le mettre à l'abri d'une attaque aussi inattendue, d'un affront aussi sanglant? Et toi, orgueilleux Chaumont, toi que je vois le plus animé à ma poursuite, dis, ingrat, oses-tu, sans rougir, t'associer à cette troupe timide et t'acharner contre celui que la reconnaissance te disait de respecter? Combien de fois, au mépris des ordres que j'avais reçus, car qui peut se glorifier d'être le premier sur la terre? Combien de fois t'ai-je permis de tremper tes doigts goudronnés dans la concavité de mes casseroles? Ingrat, voilà le prix de tant de bienfaits. Voilà le salaire que me gardait ta reconnaissance. Ah, cette vertu des grands hommes, ne jamais trouver place dans ton âme dure. Insensible aux bienfaits, tu brûles aujourd'hui de me plonger dans une baille honteuse. Eh bien, je veux te donner l'exemple de la générosité. Viens, venez tous, vous qui avez ainsi que lui, mais non aussi fréquemment, eu part à mes largesses. Venez attacher ces bras éthiques. Je ne veux ni combattre, ni me défendre. Que celui d'entre vous qui n'a pas eu part à mes profusions paraisse, et qu'il porte le premier ses mains sur un homme que ne peuvent flétrir ni les fers ni les cachots. » Il dit, et plante sa longue broche, qui tremble jusqu'à ce que la rage de Mars et le poids du dindon aient cessé de l'animer. La troupe interdite se regarde, baisse les yeux, rougit et se dissipe. Tel on vit autrefois le grand Germanicus, par un accent ferme et généreux, imposé à une troupe séditieuse, ou tel encore l'orateur des Grecs, remue à son gré le cœur des Athéniens, lorsque faible et pusillanime, il redoutait de se mesurer avec Philippe, leur vainqueur et leur implacable ennemi. La foule s'est dissipée, l'ordre est rétabli. Lucifer est redevenu un bon diable, le monarque un maître actif et laborieux, le prêtre un matelot gaillard et ami de la bonne chère. Chaque acteur se débaptise, le temps se couvre d'épais nuages, tous s'excitent au devoir et rendent inutiles, par leur prudence et leur activité, les efforts des bancs coalisés. P.S. Lauri sacra fames. À quoi n'exposes-tu pas les faibles mortels? La vérité me force à t'apprendre qu'enflé par un succès aussi glorieux, notre illustre cuisinier, arrivé à Rio Janeiro, a de nouveau senti renaître dans son cœur la soif des combats, et que dans les plaines de la Plata, il cherche peut-être des victimes plus nobles que celles qu'il avait sacrifiées jusqu'à ce jour. Un moment seul, fait un héros.